sentiment que je ne peux pas taire. Personne ne peut me suivre si loin des couleurs vives. Personne ne peut comprendre pourquoi je vais descendre. Des mots et des temps morts, parler avec effort. Je pleurerai avec elle dans ce moment cruel. Tout cet effet violent et je reste si lent, n'arrivant pas à croire qu'elle m'enlevait l'espoir. De toute sa main, sœur m'isolée dans le